me retrouve encore une fois. Affronter la foule, c'est un besoin pressant qui fait que je déploie mon savoir-faire et mon talent. Toujours au top de l'embrouille, en l'espace d'un instant, je m'en mets dans les fouilles. C'est sur l'or et sur l'argent que mon doigté se déroule. Dès que je vois un diamant dans mon esprit tout se brouiller, c'est là que ça vient gênant. Me change en un raclot pas cool. Essaye de me stopper, c'est clair, je te dérouille. Tu peux d'ores et déjà décréter l'état d'urgence pour ta sentence ignorant. Aucune obéissance, tout est loin, niqué, tout leur rêve d'enfance. Par ton shit, ça m'oblige à rouler dans le mauvais sens. Tu peux d'ores et déjà décréter l'état d'urgence pour ta sentence ignorant. Aucune reconnaissance, tout est loin, niqué, tout leur rêve d'enfance. Par ton shit, ça m'oblige à rouler dans le mauvais sens. Et pourtant à la base, je te promets que je voulais pas. Même que quand j'étais mort, moi j'avais d'être avocat. Mais surtout pas un malfrat, plutôt un bon gars. Sans soucis, sans tracas. Et puis je suis passé devant toi pour cette connerie qui ne valait pas la sentence que toi. Tu souhaitais pour moi, première fois que je faisais ça. Non, car pas pour de ça, vos autres. Alors crois-tu pas que c'est un peu exagéré par rapport à la réalité? Tu peux d'ores et déjà décréter l'état d'urgence pour ta sentence ignorant. Aucune obéissance, tout est loin, niqué, tout leur rêve d'enfance. Par ton shit, ça m'oblige à rouler dans le mauvais sens. Tu peux d'ores et déjà décréter l'état d'urgence pour ta sentence ignorant. Aucune reconnaissance, tout est loin, niqué, tout leur rêve d'enfance. Par ton shit, ça m'oblige à rouler dans le mauvais sens. Combien d'autres que moi se retrouvent dans le même cas, jugé pour une putain d'affaire qui ne valait pas une sentence si c'est fait. Quels sont tes critères déjà? T'as voulu me soigner, mais tu m'as juste filé la jura. Une haine de l'enfer que j'ai de mon propre choix. Pris la décision que je serai toujours la loi. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je me retrouve là à affronter la foule. Et tant pis pour toi. Si ça se termine en couille, jamais tu me rattraperas. Le système entre temps l'embrouille, je vais te le carrer dans le tarmac. Parce que je te jure qu'être une ordure.